Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 17e instruction, pour la fête du patronage de Marie. Fête mariale orthodoxe le 1er octobre, le paroissien romain, donne le 4e dimanche d'octobre. On ne saura jamais assez admirer la providence paternelle de Dieu à l'égard de son peuple élu. Entre autres choses qu'il fit en sa faveur, il désigna dans la terre promise quelques villes destinées à servir de refuge aux malheureux, qui viendraient à tuer par mégarde quelque Israélite, Deutéronome 19, 3 et suivant. L'homicide qui se réfugiait dans l'une ou l'autre de ces villes, était à l'abri des poursuites et des rigueurs de la justice. Heureux le peuple privilégié dont Dieu daigne prendre un soin si attentif. Ah, s'il existait aussi pour nous de ces lieux d'asile et de protection, qu'il nous serait utile. Hélas, mon cher frère, nous sommes coupables d'homicide, pour avoir mis à mort par nos péchés le premier-né d'entre nos frères, Jésus-Christ. Ce fut peut-être, dirais-je, par surprise et par ignorance, et le prince des apôtres pourrait bien dire aussi de nous. Je sais, mes frères, que vous avez agi par ignorance. Actes des apôtres 3, 17. Quoi qu'il en soit, le mal n'en est pas moins commis, vous n'en avez pas moins mis à mort l'auteur de la vie, Ibidem 15. Maintenant la justice divine crie vengeance, elle exige de nous une juste peine de la mort inique donnée à Jésus-Christ, elle veut que nous rendions compte du sang innocent que nous avons versé. Ah mon cher frère, si nous pouvions trouver quelques villes de refuge pour nous mettre à couvert des coups de la divine justice, mais où la trouver? N'en doutez point, mon cher frère, nous la possédons déjà, et combien nous sommes plus heureusement partagés que ne l'étaient les enfants d'Israël. Notre asile c'est Marie, ce n'est pas seulement une cité, mais une forteresse, mais la tour inexpugnable de David, Cantique 4, 4. C'est là notre asile, notre défense, notre protection assurée, pourvu que nous sachions nous en prévaloir utilement. Voyons un peu de mots tout ce que nous pouvons nous promettre de sa protection, et ensuite nous verrons ce que nous devons faire pour en profiter. Avant de vous faire voir toute la confiance que nous pouvons mettre dans la protection de Marie, il sera bon d'observer le besoin que nous en avons et la triste position où nous nous trouvons. Il est malheureux d'avoir des ennemis, mais peut-être l'est-il davantage d'en avoir sans les connaître. Connaissons-les donc, et ce sera déjà un avantage pour nous. Nous sommes hommes, nous sommes pécheurs, comme hommes, nous avons pour ennemi l'enfer, comme pécheurs, le ciel. Le démon veut injustement que nous soyons condamnés, Dieu veut avec justice que nous soyons punis. Nous avons donc soulevé contre nous et le ciel et l'enfer, et nous nous trouvons seuls exposés d'une part au coup de la justice divine, de l'autre au trait d'un mortel ennemi. Que ferons-nous, mon cher frère, pour nous défendre en même temps de deux adversaires si puissants? N'en doutez pas, nous trouverons dans Marie une défense opportune et contre le ciel irrité, et contre l'enfer en fureur. Elle a su désarmer la juste colère de Dieu, elle a su terrasser et vaincre les puissances infernales. Dès le moment où il déchute de l'état où Dieu l'avait placé en le créant, l'ange rebelle conçu contre le Très-Haut cette haine envenimée ou plutôt diabolique, qui eut bien un commencement mais qui n'aura jamais de fin. Il est persécuté à outrance, non seulement Dieu, mais toutes ses créatures, spécialement celles en qui il découvre son image et sa ressemblance, semblable à un taureau furieux, Il ne s'en prend pas seulement à celui qui l'a frappé, mais il exerce aussi sa rage contre le vain simulacre en qui il voit ses traits. Il ne peut se venger sur Dieu même en lui faisant du mal, Dieu étant inaccessible à toutes ses attaques, il cherche donc à lancer son venin contre nous. À peine vit-il paraître dans l'univers le premier homme et la première femme, qu'aussitôt il leur dressa ses pièges astucieux pour les entraîner dans sa perte, et ce coup d'essai ne lui réussit que trop. Fier et orgueilleux, il s'en allait triomphant d'une telle victoire, mais, ô perfide, ô traître, ne te glorifie pas tant, écoute la sentence que le Tout-Puissant a prononcée contre toi, Genèse 3:15. Une guerre éternelle régnera entre toi et la femme, entre tes satellites, et ses enfants. Ne crois pas que le combat te sera toujours si favorable, si tu as pu blesser Ève, tu ne réussiras jamais à atteindre cette femme dont le nom seul suffira pour te mettre en fuite, Ibidem, elle écrasera ton front superbe. Et tu remporteras la honte et le dépit de te voir vaincu par une femme. Mais quelle est cette femme dont Dieu parle ici? Il est facile de la trouver. Qui est-ce qu'il ignore? C'est Marie, laquelle, selon saint Bernard et saint Augustin, vint au monde pour réparer les pertes que nous avions faites par suite de la prévarication d'Ève. C'est cette femme qui non seulement sut se soustraire elle-même aux embûches de l'ennemi, mais qui peut encore défendre et garantir tous ses enfants bien-aimés, tous ses dévoués serviteurs. Jadis la belle et charitable Esther ne se contenta pas d'être elle-même à l'abri de la puissance tyrannique d'Aman. Elle chercha en outre à sauver son peuple chéri, et son entreprise lui réussit parfaitement. Judith ne se borna point à se soustraire seule à l'oppression d'Holoferne, elle en voulut aussi délivrer tout son peuple, comme elle le fit en effet par un acte qui la couvrit de gloire. Ne croyez pas après cela que la très sainte Vierge ait moins de charité et de sollicitude pour vouloir défendre ses enfants, ou moins de puissance pour y réussir à l'ombre de sa protection. Nous pouvons nous croire en sûreté contre les assauts de l'ennemi. Le peuple d'Israël gémissait sous l'esclavage de Jabin et de Sisara son capitaine. Il n'y avait personne qui eut le courage de s'opposer à un adversaire si puissant, et le peuple fut contraint d'être longtemps en proie à cette oppression, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Déborah se fût élevée, jusqu'à ce qu'il se fût élevé une mère dans Israël, jusqu'à ce qu'il parût une femme remplie de force et de sagesse, chérissant son peuple avec un cœur de mère. Celle-ci ordonna à Barak de se mettre en campagne pour combattre Sisara, mais Barak, connaissant sa propre faiblesse et les forces de l'ennemi, n'osa le faire, et répondit qu'il ne consentirait à marcher qu'à condition que Déborah elle-même l'accompagna et prit sa défense, Juges 4:8. Déborah accéda sur le champ à cette demande, elle partit, et Barak sous ses ordres opéra des prodiges, l'ennemi fut mis en déroute, et le peuple de Dieu, délivré de l'oppression. Ô belle, ô admirable Déborah! Ô aimable mère du peuple de Dieu, vous nous êtes chère aussi, parce que vous êtes l'emblème le plus expressif d'une mère chérie dont vous avez été la figure. Celle-ci est la véritable mère qui apparut dans Israël, qui craindrait de marcher à l'ennemi et de combattre sous ses ordres. Le succès nous est assuré, plus facilement que Barak. Nous remporterons sur nos ennemis une éclatante victoire. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient forts et puissants, tant mieux, le triomphe de la mère et des enfants n'en sera que plus glorieux. Non seulement elle nous favorisera de sa présence, mais la force de son bras terrassera l'ennemi. Infortunés Israélites, à quelles extrémités vous vois-je réduit? Vous êtes sortis, il est vrai, de l'Égypte, mais, hélas, avant d'arriver à la terre promise, que de périls vous attendent, que de difficultés à surmonter dans une terre inconnue, que d'ennemis à vaincre. Que ferez-vous, exposés à tant de hasards? Réjouissez-vous, je vois un nuage descendu du ciel, pour se faire votre guide et votre défense. Il vous enseigne la route que vous avez à suivre, il vous dérobe aux bataillons ennemis, il combat pour vous et vous n'avez qu'à vous tenir à couvert sous son ombre et sa protection. En vain Pharaon avec toute son armée presse le peuple de Dieu, la colonne de nuée s'interpose en guise de rempart, elle apparaît brillante, éclatante, lumineuse aux yeux des enfants d'Israël, et leur montre la route qu'ils doivent tenir durant la nuit, tandis qu'elle se fait voir aux ennemis sous l'aspect le plus terrible et le plus épouvantable, la foudre, qu'elle lance sans discontinuer, les terrasses, les effraient et en fait le plus horrible carnage. Pourrait-on imaginer une figure plus frappante de la douce et puissante protectrice dont nous parlons? Marie, oui Marie, et pour nous cette nuée propice, elle paraît aux yeux de Dieu choisie comme le soleil, au regard de ses enfants, belle comme la lune, mais quel aspect offre-t-elle aux ennemis de notre salut? Cantique 6, 3. Elle est terrible et redoutable comme une armée rangée en bataille. Elle est, pour tout dire en un mot, cette tour inébranlable, inaccessible à l'ennemi, c'est la tour de David, tout entourée de boulevards, 1000 boucliers y sont suspendus avec les plus fortes armures, pour nous défendre contre nos ennemis et les attaquer sans crainte. Nous n'avons donc, pour nous mettre à couvert de leurs assauts, qu'à nous y réfugier, et y établir notre demeure, dès lors ne craignons plus, et s'il nous restait un sujet de défiance, ce serait d'avoir le malheur d'en sortir en renonçant à la protection et à la défense qu'elle nous offre. Tenons-nous donc en garde et ne craignons rien le nom de Marie, nous, pouvons, le dire, est une forteresse inébranlable, le juste s'y réfugiera et il sera sauvé, Proverbe 18, 10. Mais, hélas, j'entends que l'on m'objecte que nous n'avons pas seulement à craindre au sujet de la fureur injuste de l'infernal ennemi, mais que nous devons aussi redouter la juste colère de Dieu, trop souvent provoquée par nos crimes énormes. Voilà ce qui nous abat et nous fait perdre courage. Il est vrai que les justes trouvent en Marie un abri contre les attaques de leurs injustes agresseurs, mais nous ne sommes pas dans ce cas, nous sommes pécheurs, Dieu est donc irrité contre nous, or qui pourra nous délivrer de ses mains? Nous savons qu'il est horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10, 31. Nous savons que nul ne peut résister au Tout-Puissant, si donc il veut nous punir à cause de nos péchés, qui sera assez fort pour arrêter sa main et mettre une digue à sa puissance. Qui, mon cher frère, voulez-vous le savoir? C'est Marie, qui peut tout par son intercession, et qu'un tel pouvoir dans Marie ne vous étonne point, puisque Moïse a pu en faire autant. Dieu se trouvait très justement irrité contre son peuple au sujet de ses continuelles prévarications, et spécialement à cause de l'idolâtrie abominable dans laquelle il était tombé, en se forgeant un veau d'or, pour lui rendre le culte, dû à Dieu seul. « Allez, dit alors le Seigneur à son serviteur Moïse, allez et voyez jusqu'où s'est oublié votre peuple infâme. Je m'aperçois bien qu'il a le cœur dur et revêche, Exode 32, 9 et suivant. Laissez-moi faire, Moïse, et ne veuillez pas m'empêcher d'en tirer une juste vengeance, laissez-moi, que je l'extermine. Mais quoi? Dieu prie Moïse de le laisser faire? Est-ce que Moïse pouvait le retenir? Oui, il le pouvait, répond un docteur de l'Église, Saint Jérôme, écrivant sur ce passage, Saint Hieron à Saint Gaude, en disant « Laissez-moi, Dieu montre assez que son bras peut être retenu, et par quoi? Par les prières de son serviteur. » Or si la prière d'un serviteur a été si puissante sur le cœur de Dieu, que ne pourront pas celles de sa mère, si un saint tente de pouvoir, quel sera celui de la reine de tous les saints? Quelque pécheur que vous soyez, dites-moi si vous ne vous estimeriez pas trop heureux, en apprenant qu'un autre Moïse plaide votre cause au tribunal de Dieu. Oui, sans doute, mais que diriez-vous, si je vous assurais que non pas Moïse seulement, mais tous les saints de la terre et du ciel prosternés devant le trône de Dieu intercèdent pour vous? Vous croiriez posséder gain de cause, et comment, diriez-vous, comment se pourrait-il que Dieu fermât les oreilles aux prières de tant de saints? Ce Dieu qui proteste vouloir faire la volonté de celui qui le craint, ne fera-t-il pas plutôt encore la volonté de celui qui l'aime, comme font les saints? Eh bien sachez que la Sainte Vierge seule peut plus auprès de Dieu, que tous les saints ensemble, ce n'est pas là une opinion qui me soit particulière, et encore moins l'effet du zèle pieux de quelques louangeurs, amis des exagérations, c'est le sentiment bien médité d'un illustre pontife, de Benoît XIV, qui n'aura eu garde de se prononcer sans le plus profond examen. L'intercession de Marie est fort puissante, plus puissante que ne l'est celle de tous les saints, in festo patroc, BMV Christ. Mais s'il en est ainsi, comment Dieu pourrait-il rejeter ses supplications? Le Fils pourrait-il rejeter les prières de sa mère, ou éprouver un refus de la part de son Père? Ni l'un ni l'autre, vous dirai-je avec Saint Bernard. Souvenez-vous, ajoute le saint docteur, de ce que l'ange dit à Marie, vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. La Sainte Vierge trouvera toujours grâce. Ne craignons donc pas si le péché nous a fait perdre la grâce. Marie l'a retrouvée. Elle n'a pas trouvé la grâce perdue par elle, puisqu'elle ne l'a perdue jamais. C'est donc celle que nous avions perdue qu'elle a retrouvée. Cherchons-la par conséquent, et cherchons-la par Marie. Les recherches de Marie ne sont jamais vaines et infructueuses, Saint Bernard. Les nôtres ne le seront donc pas non plus, si nous avons recours à elle pour retrouver la grâce que nous avons perdue. Tout irait bien, dira peut-être quelqu'un, si la très sainte Vierge voulait se charger de cet office. Mais voudra-t-elle le faire en notre faveur? Hélas, en péchant nous avons offensé le Fils, et tout à la fois contristé la Mère. Si Dieu est irrité contre nous, de ce que nous avons donné la mort à son Fils unique par nos péchés, Marie ne le sera-t-elle pas aussi en voyant ce Fils chéri si cruellement maltraité par nous? Et malgré cela elle voudrait encore intercéder pour nous. Oui, mon cher frère, elle le fera, et elle le fera volontiers. Avant tout, dites-moi donc, vous avez péché, n'est-il pas vrai? Je le suppose, mais n'avez-vous pas renoncé à la volonté de pécher? Auriez-vous par hasard l'intention de vous plonger de nouveau dans les mêmes fautes? S'il en était ainsi, vous ne pourriez guère compter sur la protection de Marie. Elle est la mère, elle est l'avocate des pécheurs, mais jamais du péché. Venez, disons-nous dans le langage de la Sainte Église, venez, ô Vierge Sainte, au secours des malheureux, qui cherchent à se relever de leur chute. Si loin de vouloir vous relever, vous voulez persévérer dans le crime, vous n'avez certes aucune espérance à mettre en Marie, Comme le remarque sagement le grand pontife, Benoît XIV, mettons cela à vos dispositions. À Dieu ne plaise, me répond-on d'une voix unanime, non, nous ne sommes point tels, nous avons péché, il est vrai, mais nous détestons nos fautes, nous voulons changer de vie. Cela me suffit, mes chers frères, soyez tranquilles, Marie est avec vous, elle sera votre avocate, votre mère pleine de tendresse, mettez fin à l'affection du péché, et vous trouverez dans Marie une mère plus prompte à vous secourir que toutes les mères selon la chair. C'est ce qu'écrivait Saint Grégoire VII à la comtesse Mathilde, qui l'avait interrogée sur ce sujet. Marie est une mère de miséricorde, mais envers qui la miséricorde peut-elle s'exercer, si ce n'est envers les misérables? S'il n'y avait plus de misère, il n'y aurait plus lieu à la miséricorde. A-t-on jamais plus de droit à la miséricorde que quand on est plongé dans la plus profonde misère? Nous sommes misérables, nous sommes pécheurs, eh bien, ce sont des titres à la protection de Marie. Quelque pécheurs que nous soyons, nous pouvons tout espérer d'elle. Il suffit donc que nous remplissions les conditions qu'elle nous impose, pour jouir des fruits de son intercession maternelle. C'est la seconde chose qu'il me reste à vous expliquer en peu de mots. Nous devons en ce jour, mon cher frère, dresser un contrat avec Marie, notre mère. Pour son compte, elle s'engage à se faire notre protectrice, notre avocate, notre mère, notre refuge, que sais-je? Et soyons assurés qu'il ne manquera rien de son côté à l'exécution pleine et entière des clauses qui la concernent, mais il faut pourtant nous obliger à quelque chose, et que devons-nous faire? Je le dirai en deux mots, nous devons prêter obéissance à cette amoureuse mère, nous devons être dociles à ses ordres. Voulez-vous souscrire à cette condition? Et pourquoi pas, nous le ferons, me répondez-vous, ce sera trop d'honneur pour nous que de recevoir et d'exécuter les ordres d'une telle souveraine. S'il en est ainsi, tout est dit. Écoutez maintenant quels sont les préceptes que vous donne Marie, préceptes si pleins de sagesse, de discrétion et de justice, que nul ne pourra jamais se plaindre du manque d'équité, ou de l'excès de sévérité. Écoutez la très sainte Vierge, qui, comme David autrefois, s'adresse à tous d'une voix douce et avec un visage qui ne respire qu'amour, et vous dit, mes chers enfants, si vous êtes vraiment elle, si vous m'aimez, si vous avez à cœur de vous montrer mes serviteurs dévoués, épargnez, je vous en prie, la vie de mon très doux fils Jésus, n'ayez point la cruauté de lui infliger une nouvelle mort par vos péchés. C'est là la première chose que Marie nous recommande. Est-il rien, selon vous, de plus juste, de plus raisonnable? N'a-t-elle pas tout droit d'exiger de nous la plus stricte obéissance? Et de quel front irions-nous nous proclamer ses serviteurs et ses enfants si nous conservions la volonté de retourner au péché et par là de crucifier de nouveau son bien-aimé fils Jésus? Hébreux 6, 6. Oseriez-vous paraître devant une mère tendre et aimante, l'épée nue, prêt à percer son fils unique? Et lui protestez néanmoins que vous êtes son serviteur, son ami fidèle? Cette mère pourrait-elle en croire vos paroles, si, tandis qu'elle vous prierait d'avoir pitié de son enfant, vous lui arrachiez la vie sous ses yeux? Pourriez-vous en attendre protection, aide et secours? À mon frère, si nous voulons que Marie nous regarde pour ses enfants, et se comporte envers nous en véritable mère, jetons l'arme fatale, remettons l'épée ensanglantée dans le fourreau, déposons, aux pieds de l'aimable mère de Jésus-Christ la nôtre, La résolution de ne plus offenser Dieu, de ne plus donner la mort à Jésus par nos péchés. Nous avons péché jusqu'ici, nous avons mal fait mais n'accumulons pas crime sur crime, détestons les fautes commises, et Marie nous regardera d'un œil maternel et plein de bonté, aussitôt qu'elle nous verra détester ce qui déplaît à son cher fils Jésus. Cependant, ce n'est là que le premier pas, il faut en outre prouver à l'occasion, par des faits, que nous avons renoncé à l'affection du péché, il faut montrer un cœur généreux dans les circonstances où nous pourrons nous trouver. Le démon vient-il nous assaillir par ses criminelles suggestions? Disons-lui aussitôt, « Non, je ne veux commettre ni ce péché, ni aucun autre, et parce que je causerai du déplaisir à mon Dieu, et parce que j'affligerai trop sensiblement ma bonne mère. » Coriolan voulait détruire Rome, et il croyait agir d'après de solides motifs, personne ne pouvait le calmer, mais à peine eut-il aperçu sa mère Califurnie qui venait implorer sa clémence, qu'à l'instant il mit bas les armes, et préféra subir une mort cruelle et barbare de la main de ses Volsques plutôt que de causer à sa mère le moindre déplaisir. Oui. Nous devons aussi subir la mort plutôt que de causer le plus grave déplaisir à notre mère en retournant au maudit péché mortel. C'est pourquoi soyons attentifs à fuir aussi les occasions prochaines, qui pourraient nous entraîner dans le précipice, plus de ses compagnons, de ses bals, de ses spectacles, renonçons à tel jeu dangereux. À telles personnes avec lesquelles nous avons autrefois offensé la Divine Majesté. C'est ici une condition absolument indispensable pour être mis par Marie au nombre de ses serviteurs, et protégé comme ses enfants. Il est une autre condition que Marie désire de nous, la connaissez-vous ? C'est que nous nous efforcions de suivre les exemples de sainteté qu'elle nous a donnés. Par ce moyen non seulement nous éviterons le péché, mais nous croîtrons en perfection, Éphésiens 4, 13. Une bonne mère ne se borne point à désirer que son fils ne meure pas, elle veut de plus qu'il croisse et devienne un homme parfait. Marie fait de même. Il me semble l'entendre répéter ce que disait saint Paul, Philippiens 4, 9. Faites tout ce que vous avez appris de moi, ou remarqué en moi, soyez mes imitateurs, comme je l'ai été de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 4, 16. Oh quel vaste champ, si j'avais le loisir de discourir et de moraliser, et qui jamais pourrait vous exposer, vous raconter les sublimes vertus de Marie, qui pourrait redire sa profonde humilité, sa pureté sans tache, son ardente charité. Qui sera jamais en état de suivre les traces de cet aigle royal, qui, les yeux toujours fixés sur le soleil, dirige constamment vers lui son vol hardi. C'est là cet aigle qui excite ses petits à prendre leur essor, en volant au-dessus d'eux, Deutéronome 32, 11. Elle nous apprend à voler et nous devons, sinon l'atteindre, au moins suivre les traces qu'elle nous a laissées dans les voies célestes, sinon les galer, au moins l'imiter, si nous sommes de vrais enfants, imitons notre mère. Efforçons-nous aussi de nous humilier profondément. Que de motifs n'en avons-nous pas ? Cherchons à entretenir toujours vive et ardent dans notre cœur la flamme du saint amour de Dieu, et du prochain, conservons le pur de toute souillure. Ayons, pour le dire en un mot, ayons toujours Dieu en vue, et dirigeons notre course vers lui, ne nous détournons ni à droite, ni à gauche, mais suivons les routes tracées par notre mère. Afin que cette ardeur ne vienne pas à s'éteindre, nourrissons-la par la considération des vérités célestes, appliquons-nous à l'oraison tant mentale que vocale, Marie l'exige de nous, elle déclare qu'elle réside parmi les saintes pensées, là où règne l'esprit de méditation. Proverbe 8, 12, appliquons-nous-y donc, et Marie sera avec nous. Ce n'est pas tout, Marie veut encore de nous une chose si juste et si facile que nous ne pouvons en aucune manière la lui refuser, à moins de déclarer en pratique que nous voulons la contrister sans raison. Savez-vous ce que c'est? Il sera bon de l'entendre de la bouche même de Marie. Écoutez ces paroles, et dites ensuite s'il est permis de ne pas s'y rendre. Mes chers enfants, approchez-vous de la table que je vous ai préparée. Venez vous nourrir du pain céleste qui a été formé dans mon sein. Venez vous abreuver de la céleste liqueur dont je vous ai pourvu. Ibidem 9, 5. Dites-le, est-ce là un commandement à rejeter? Est-ce une invitation à refuser? Ô Dieu, et qui serait assez aveugle, assez insensé pour se refuser à une invitation si amoureuse? Nous devons donc nous approcher souvent de la table eucharistique, nous devrions le faire tous les 8, tous les 15 jours, ou au moins tous les mois, mais surtout à toutes les fêtes que l'Église célèbre en l'honneur de Marie. Notre mère ces jours-là veut nous départir ses faveurs, et pour cela elle a soin de dresser sa table. Si elle nous y voit accourir, elle s'en réjouit, elle en est pleine de joie, mais que quelqu'un vienne y manquer, elle est nécessairement affligée, elle peut dire en pareil cas, beaucoup mieux que Saint Jean Chrysostome, j'ai préparé mon festin, mais, ô douleur! Un tel de mes enfants est absent. Gardons-nous de causer un aussi vif déplaisir au cœur amoureux de Marie, notre bonne mère, gardons-nous par conséquent de manquer au rendez-vous qui a lieu en ces beaux jours, allons-y, mais avec les dispositions requises. Voilà en substance les principales conditions que Marie réclame de nous. Voilà aussi ce que nous devons faire pour nous montrer ses enfants dévoués. Soyons-y fidèles, mon cher frère, remplissons envers elle toutes les obligations que nous avons contractées, assurés qu'elle remplira parfaitement celles d'une bonne mère, elle sera notre refuge, notre défense, elle nous tiendra à couvert des assauts de tous nos ennemis. Elle aura soin non seulement d'apaiser la juste colère de Dieu irritée contre nous, mais encore de nous obtenir de la Divine Majesté toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous comporter en braves et vaillants soldats du Roi de gloire, et comme tel, recevoir la couronne qui n'est préparée qu'à ceux qui y auront légitimement combattu. Timothée 2, 5. Combattons vaillamment jusqu'à la mort sous les étendards de Jésus-Christ, notre chef, et sous les auspices de Marie, notre tendre mère, et nous recevrons en son temps la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Markemdan Archivorg 2023. D'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.